J'ai moi-même mis le canon à mes amis d'un car la tristesse m'a souri d'une façon assez amicale. La vue d'œil tout est parfait. Aurait pas d'avoir jarté. Mais seule la vie ne fume que ma vulgaire tarte. La larme à l'œil, la peine dans la voix. Je cherche précisément quelle fête se fait dans la joie. Quel jour n'a pas bénéficié d'une bonne connerie. Je compte mes jours quand la chinoise c'est bol de riz. Les joues balafrées par des larmes meurtrières. Un océan de pleurs, résultat de nos prières. En fait, je regrette, je souffre condamné. Les mauvaises herbes poussent et les tulipes sont fanées. Année après année, des moments ricanés. Le moment où tester le cercueil pour voir si nous allons. La roue tourne, la chance prend le vent. Et pour venir, la mort prend le temps. Mon teuf, seul, nos pleurs cachés, nos faux rires, nos heures gâchées, nos sangs, tous nos vinaigres. Dans nos cœurs, la peine s'intègre. Affect, année, puis décennies, ça n'a jamais rien changé. La joie s'est fait quémie à nos faux rires, nos heures gâchées, nos teufs, seuls, nos pleurs cachés. La vie a fait de nous des martyrs. Le sang de nos artères veut partir. Marre des souffrances, des maux de tête incessants. Marre des nouveautés, des regrets bien récents. Marre de dire du mal sous le poids de la hargne. La fièvre monte et nos cerveaux s'alarment. Ça crée un mal de tête suivi d'un mal de cœur. Accompagné de regrets, de rage, de peur. Massacré par des souvenirs sans personne pour soutenir. On s'enfonce vers la fin à chaque soupir. Comment vous dire entre trop et trop peu. Sincèrement mon amour flotte. Mon amour comme moi. Je coule le plus profond du mal. Je me dénonce moi-même. J'ai comme un bûcheron buccal. Le tunnel s'éclaire et la lumière se perd. Sous l'emprise de la haine, il vaut mieux tu se taire. Nos teufs, seuls, nos pleurs cachés, nos faux rires, nos heures gâchées, nos centres, nos vinaigres. Dans nos cœurs, la peine s'intègre. Infect, année, puis décennies, ça n'a jamais rien changé. La joie s'est fait qu'émis à nos faux rires, nos heures gâchées, nos teufs, seuls, nos pleurs cachés. Oh, tous, ABS, triple cachés. Chaque quart d'heure, à vous tous ceux qui ont souffert par ma faute, j'ajoute une larme sur le clavier, un fardeau sur la note. Un pardon, c'est mon dernier souhait. Après, c'est seul que je souffrirai, s'il vous plaît. Sans dédicace, sans thème particulier, sans fait réel, juste à que mes manipulés. À ceux qui ont souffert par ma faute, à nos pleurs cachés, à nos faux rires, nos sœurs cachées, nos teufs seuls. De thunes tels que d'eau. Nos teufs seuls, nos pleurs cachés, nos faux rires, nos heures gâchées, nos sangs, tous nos vinaigres. Dans nos cœurs, la peine s'intègre. Infect, année, puis décennie, ça n'a jamais rien et changé. La joie s'est fait qu'émis à nos faux rires, nos heures gâchées, nos teufs seuls, nos pleurs cachés, nos teufs seuls, nos pleurs cachés, nos faux cachés, nos faux rire, nos heures cachées, nos centres, nos vinaigres. Dans nos cœurs, la peine s'intègre. Affect, année, puis décennie, ça n'a jamais rien changé. La joie s'est fait qu'émis à nos faux rires, nos heures cachées, nos teufs seuls, nos pleurs cachés. Nos teufs seuls, nos pleurs cachés, nos faux rires, nos heures gâchées. Hein, c'est midi, à nos pleurs cachées.